belle. Si t'as de l'oseille, fais un petit show. La la la la la la pipe de l'amour. 50 euros le prix de l'amour. Quand y'a plus de whisky, au col le riton pour. On veut se barrer d'ici, mais on n'a pas les sous pour. On a trop de soucis, donc nous collons les cours. Tu veux de la zizik, tac tac t'inquiète, je suis là pour. J'espère ça te fait zizir, ma zik c'est mon amour. Y'a trop de tatas à Carlin et aux alentours. Je veux du bonheur, longtemps que j'attends mon tour. Je vais monter une asso, stock à vie aux amateurs. Dans ma tête, les gosses comme son odeur. Mon rap jamais menteur, les potes, les vrais, pas les acteurs. Fuck les mises en demeure. Plus de courrier, j'ai le peur au facteur. En sexe, c'est plus de tard. Tout le monde veut être braqueur. En sexe, c'est plus d'amour. Des flèches dans tous les cœurs. Sexe, c'est ce sale trou. On irait, ça nous décoeure. Sexe, c'est t'en veux tout. Être soumis en grand dégât. En sexe, c'est plus de tard. Tout le monde veut être braqueur. En sexe, c'est plus d'amour. Des flèches dans tous les cœurs. Sexe, c'est ce sale trou. On irait, ça nous décoeure. Sexe, c'est t'en veux tout. Être soumis en grand dégât. Avant 11h moins quart, on veut avoir le shit et l'argent de la barre. Je veux réussir, là je suis à la case départ. Tu me trouveras pas à la Fnac, tu me trouveras pas dans les bacs. Ne me tire pas dans les pattes, ou je fous ta mère à quatre pattes. Les gens n'ont plus de pépettes, donc je fais du sang gratos. Si si il est là 5-7, tout ce qu'il faut y'a le matos. On m'a dit mets la dose, alors j'ose dire ce que je pense, à l'instant où je pose. Tu meurs heureuse ou morose, lyrics français ou rose. Ma putain de voix je l'explose, faut que la Lorraine s'expose. Rien d'impossible, tout est plausible. Moi je reste paisible, même si je suis ta cible. Si si, la Moselle existe ici. Plus de nazis, que des nazés sortis d'Asie. Écoute ce récit, désolé, ça vient pas de tes si. En sexe c'est plus de tard, tout le monde fait braqueur. En sexe c'est plus d'amour, des flèches dans tout le cœur. Sexe c'est ce sale trou, on irait ça nous écoeure. Sexe c'est ton retour, même soumis en grand écart. En sexe c'est plus de tard, tout le monde fait braqueur. En sexe c'est plus d'amour, des flèches dans tout le cœur. Sexe c'est ce sale trou, on irait ça nous écoeure. Sexe c'est ton retour, même soumis en grand écart. CO, le 57, c'est la Zenmo. Pas besoin de citer pour la Zermi. J'pisse au cul de mes ennemis. 23 bougies pleines de soucis. Je suis sûr que toi aussi. Les euros t'ont fait maigrir. Et la justice veut te punir. J'fume mon micro, j'en suis devenu accro. Du sang pour les héros, anti-coquéros. Rien à prouver, je joue pas les héros. NICOC, un cul blanc comme Bianco. Ça vient de Carlin, là où ça pue à dos. Dehors y'a rien, que des gars comme à deux. T'inquiète, ça me fait rien, si travers du matheux. T'inquiète, ça me fait rien, t'inquiète, ça me fait rien. En sexe, c'est plus de tard, tout le monde veut être braqueur. En sexe, c'est plus d'amour, des flèches dans tous les cœurs. Sexe, c'est ce sale trou, on irait ça nous écoeure. Sexe, c'est ton retour, t'es soumis en grand dégât. En sexe, c'est plus de tard, tout le monde veut être braqueur. En sexe, c'est plus d'amour, des flèches dans tous les cœurs. Sexe, c'est ce sale trou, on irait ça nous écoeure. Sexe, c'est ton retour, t'es soumis en grand dégât.